de mi fantasme inassouvi. Maman lit à la chasse, maman jardin s'est fait la paire. Je reste seule devant la glace, goûtant des plaisirs solitaires. Ah! Je t'ai fait peur. Ne me touche pas. N'oublie pas que je suis ta femme. Ah, quelle belle paire de miches. Mais bibiche, là n'est pas le propos. Ma poulette a claqué toute son artiche. Et elle m'attend à la roulette au casino. Des flics, toujours des flics. Tu ne viens jamais me voir que pour me taper. Suis-je tant moins désirable que toutes tes misérables traînes. Oh, t'excite pas, c'est pas la question. Allez, à vous. Flic. Le fric. Salaud. Si tu veux que je me casse vite fait de Monte Carlo. Car je sens tu la balle fraissante, urgent et con, sanguin de la chaîne. Franchissons ensemble les frontières exquises de la décadence. À la Creusade, du haut de l'armoire, à la Prussienne, sous la sofa, dans les persiennes, sous la moquette, la commode, ou la véranda. Oh, quel panard! Ma belle canaille, quelle bagaille! Dans mon boudoir! Gestes obscènes qui m'obsèdent. Je résiste. Ah, je cède. Montée brûlante de ma sœur. Non, pas encore. Retiens-toi. J'entendais pas. Dans le couloir. Cache-toi vite. Dans le bonsoir. Oh, chérie. La la la. J'ai raté. C'est trompé. Pour ma chasse. Une tête de vache. Avec ses cornes. Je m'en vais de ce mal arrangé dans mon placard. Non! Et pourquoi? Je ne sais pas, je me sens lasse. Il ferait mieux de t'allonger pendant que je vais l'arranger dans le placard. Non! Pas ce soir! Écarte-toi! Si tu ne veux pas que je me fâche pour une tête de vache, allons prendre place, place, place, place, place au toréador. Ah, quelle surprise, visio troublante, qui me grise, mon beau frère. Ton beau frère. Son beau frère. Nu comme un verre, poule grossante, découverte, je vois des murs et des pavettes. Touchez-la, mon cher beau frère. Touchez-la, vous dis-je. Quel émoi. Quel vertige. Quel membre. Et quelle tige. Quelle litige, quelle horreur. Quel attentat. À la pudeur. À la pudeur. Je me vante. Je me vante. Devant ma soeur. Devant ma soeur. Quel attentat. Je me vante. À la pudeur. À la pudeur. Non, je me vante, vante, vante devant ma soeur. C'est un attentat. À la pudeur. Non, je me vante. Devant ma soeur. Parfaitement. C'est un attentat. À la pudeur. Je me fasse devant ma sœur. C'est à la Santa, à la pudeur. Quand je me vante, vante, vante devant ma sœur. C'est un attentat, attentat, à la pudeur. Un attentat, un attentat.